Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes sur l'émission Trangena, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Elsenberg, 1190 de Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, c'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons, en première partie de notre émission, deux invités. Léna, bonsoir. Bonsoir. Et Cine. C'est moi, salut. Bonsoir, voilà. Et vous faites partie, tous les deux, de la bibliothèque anarchiste Akrata ? Non, Archive. Pas vraiment. C'est Léna qui fait partie d'Akrata. Moi, je suis plutôt avec elle, mais pas Akrata, à l'Anarchive. Donc, on s'organise à l'Anarchive, mais elle exclusivement à Akrata. Ah, elle exclusivement à Akrata. Je suis avec d'autres personnes à Akrata, oui. Mais ils ne sont pas là ce soir. Voilà. Et vous venez nous parler de... Du procès. En fait, il va se dérouler le 29 avril un procès contre 12 anarchistes qui sont inculpés par l'État belge parce qu'ils ont lutté contre ce monde dégueulasse et contre surtout les prisons et les centres fermés et les frontières. Et ouais, voilà, on va vous parler de ça. Et je peux peut-être introduire tout ça avec une lecture, oui, que j'ai choisie d'un livre qui s'appelle Éclat de liberté, qui parle de la lutte contre la construction d'un nouveau centre fermé pour clandestins à Steenhokkerzeel, qui a été écrit en Belgique entre 2009 et 2010. C'est en novembre 2009 que le tract que je vais lire sera distribué à l'intérieur de tous les centres fermés en Belgique et de quelques prisons, avant d'être pris aussi dans la rue lors de différentes initiatives d'agitation à Bruxelles et ailleurs. La distribution se fera à coups de balles de tennis et de raquettes afin de les faire atterrir dans les préaux lors des heures de promenade. Se révolter, c'est comme respirer. Respirer dans le courage que tu rassembles, au rythme des battements de ton cœur. De ton cœur, où la douleur que ce monde t'a donnée forme un cocktail mélangé à l'amour pour tous les yeux qui t'ont vraiment regardé. Un cocktail explosif, prêt à exploser. Se révolter est comme respirer. Respirer dans le courage. Je compte 1, 2, 3. Inspire longuement, redresse mes épaules, c'est le moment. Et puis, expire les flammes de tout ce que tu es, de tout ce que tu voudrais être et n'est pas permis par ce monde. Ta respiration, comme un marteau brisant une vitre, comme une scie à métaux défiant les barreaux d'une prison, un poing rendant les coups à la face de ce monde. Tu respires, tu inspires et expires longuement. Tu te révoltes, tu te fais battre et tu tombes. Mais tu n'arrêtes pas de respirer et plus tard tu seras de nouveau sur pied. La respiration des autres t'aident à te lever, comme la respiration d'un ami aimant, d'un enfant, d'un camarade proche de toi, réchauffe ton cœur avec de la force. Comme la respiration des prisonniers qui ont brûlé une aile entière du centre fermé de Steenhokkerzeel pendant l'été 2008. Comme la respiration des prisonniers qui se sont révoltés à Merksplatz en essayant d'empêcher la déportation d'un ami. Comme celle des prisonniers qui ont conquis leur liberté. Comme celle de ceux qui ont envahi le mois dernier le bureau de Bézix, l'entreprise qui construit le nouveau camp de déportation, et qui l'ont détruit. Comme celle de quelques anarchistes qui ont mis le feu aux conteneurs sur le chantier de construction d'un nouveau centre fermé à Rotterdam. Comme la respiration des gens qui ont bloqué le centre de déportation de Bruges et celle des prisonniers à l'intérieur qui se sont révoltés en même temps et ont commencé à exploser leur prison. Comme chaque respiration qui a détruit un morceau de l'infrastructure de la prison ces dernières années, comme chaque respiration qui a combattu les contrôleurs et les flics, qui s'est joué des juges et de leurs avocats, qui a mis les patrons hors jeu, donné du courage à des femmes de quitter leur mari violent, qui a donné la force à des enfants de refuser la volonté que leurs parents essayent de leur imposer, les parents qui leur demandaient de se sacrifier. Respirer, comme tous les petits actes de résistance qui se nichent dans les pores de notre corps. Résistance contre ce monde qui prend place non-stop, à chaque moment de la journée, toujours. Nous pouvons arrêter de sentir, s'enfuir dans les temples de la consommation, de la télévision, du sport, de la drogue. Fuir, essayer d'oublier, oublier que tu souffres, que tu vis. On peut se taire, regarder de l'autre côté, laisser ceux qui nous utilisent continuer, et un jour on finira sur la pile de déchets des corps compressés. Ou on peut respirer. Calmement, rapidement, doucement, intensément, chaudement, battant de plaisir. Respirer, comme discuter avec d'autres. Discuter de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire et pourquoi. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec le désespoir. Soyons nos propres maîtres sans Dieu. Détruisons le vieux monde avec le désir d'un nouveau, pour respirer librement. Adieu à ce monde où on se réprime les uns les autres. Adieu à ce monde où nous allons nous coucher avec des angoisses, où nous nous réveillons avec des angoisses. C'est le refus de se résigner à la vie que cette société essaye de nous imposer. Le refus d'abandonner nos rêves et de descendre dans le puits d'une existence malheureuse. Pleurnicher, se plaindre, pleurer et jurer peut nous soulager le cœur pour un moment, mais rien ne change. C'est respirer qui fait battre notre cœur et circuler notre sang. Si tu ne respires pas, tu meurs. Bravo. Merci. Toujours agréable de t'écouter lire. Ces extraits, ça venait de ce, le livre Éclat de liberté, édition Tumulte, qui a été. C'est un recueil de différents textes. Textes qui ont été écrits, qui ont été diffusés. C'est aussi des tracts. C'est aussi des informations de la lutte. C'est aussi des... Ah non, pas dans celui-là, je me gourre. Mais en tout cas, ouais, ça compile pas mal de textes qui ont circulé pendant cette période-là, 2009-2010. En tout cas, la lutte est plus large que ça, mais en tout cas, cette période où ça a été compilé, tous ces beaux textes. C'est un livre que vous pouvez trouver, pardon, c'est un livre que vous pouvez trouver à Crata et à l'Anarchive. Il est empruntable. Et puis... Distre la Pinothèque, c'est ça que je vois. Ah, oui. Distre la Pinothèque aussi. Mais vous pouvez l'emprunter gratuitement à Crata, à l'Anarchie. Vous êtes pas, enfin, vous pouvez l'acheter aussi à la Pinothèque ou ailleurs, mais voilà. Il y a moyen de l'avoir gratos. Ouais. Ouais. Bah ouais, moi je peux peut-être embrayer, sauf si vous avez des choses à dire d'autres, non? Bon. Ouais. Pour l'instant, encore. Ça vient pour introduction comme ça. Oui. Bah, du coup, ouais, moi, je vais un peu revenir d'abord sur la lutte qui a été menée. Pourquoi, en fait, ces 12 personnes, ils se retrouvent devant la justice. C'est donc dans le courant des années 2000, milieu des années 2000, il y a des gens qui ont commencé à s'organiser pour lutter contre la construction d'un nouveau centre fermé qui allait se mettre à côté du 127 bis, bien connu, qui maintenant, en fait, s'appelle le Caricole parce qu'il a été construit. Et en fait, c'est pas un centre fermé comme les autres. Donc, c'est une tôle tout aussi dégueulasse que les autres. Mais elle a comme particularité de vouloir enfermer individuellement chaque personne qui en franchit son seuil. Et pourquoi? Parce qu'en général, c'est des gens qui n'ont pas de papier et qui se sont révoltés à un moment ou à un autre dans les autres centres où ils ont été enfermés. Ils sont révoltés... parfois, c'est des choses assez simples comme des refus. Refus de rentrer en cellule, refus de s'alimenter, refus de prendre l'avion qui va les renvoyer de là où ils sont censés venir. Et donc voilà, c'est une volonté claire de casser les luttes qui peuvent naître dans ce genre d'endroit dégueulasse. Parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de luttes. On n'en parle pas, ils ont tout intérêt à ne pas en parler, mais en fait, pendant les années 90 et les années 2000, il y a vraiment beaucoup d'individus, de collectifs qui ont lutté contre les centres fermés à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc voilà. Et donc pourquoi les centres fermés? Pourquoi ces 12 personnes-là, en fait, ils ont choisi ce bout-là dans ce monde? Parce que bon, leur volonté est de tout détruire pour reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Et donc, il faut un peu attaquer tout. Mais eux, ils ont pris cet angle-là. Bah, déjà, la tôle, c'est un truc qui est assez... c'est dégueulasse, il n'y a personne qui va en disconvenir. Même, enfin, peut-être certaines personnes, mais je veux dire que... dans les gens bien comme il faut, on a des critiques bien réformistes de la prison, et la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est quand même un endroit qui fait peur. Donc c'est un symbole de l'exploitation, c'est là que est le cœur de l'autorité, c'est dans ces tôles. Mais c'est pas non plus que ça, c'est en fait un vrai rouage qui sert à l'État et qui sert au capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a le bâton et la carotte. Faut pas que les gens, tout d'un coup, ils décident qu'ils ont pas envie de travailler ou qu'ils décident de se loger par eux-mêmes, donc de squatter, de voler dans les magasins ce dont ils ont besoin. Il faut mettre une menace, et la prison, elle est très utile comme menace pour que tout le monde rentre dans le rang. Et pour ce qui est plus précisément des prisons pour clandestins et des frontières, les frontières, c'est pas quelque chose qui est en dehors de nos vies. C'est peut-être loin, mais en fait, tout ce qui s'y passe, ça se passe aussi dans nos petites villes et nos petits pays tranquilles. Parce qu'en fait, ces frontières, c'est loin de nos regards, et ça leur permet, je parle des États, ça leur permet en fait de tester tout un arsenal militaire qu'ils peuvent pas tester dans nos rues, parce que ce serait quand même chaud d'aller faire ça directement dans les manifs de bobos et tout ça. Et donc, du coup... un arsenal technologique et militaire qui après sert à la gestion de l'espace public. On voit par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ils ont développé tout un système de reconnaissance de l'iris. Et ça, ils l'ont développé vraiment aux frontières. Et puis on imagine que ça arrive quand même tout doucement ici. Donc c'est lutter contre les frontières, ce n'est pas lutter pour d'autres personnes, ce n'est pas faire de la charité. C'est évidemment aider des gens, soutenir des gens qui subissent l'exploitation comme nous. Mais c'est aussi se battre, en fait, contre des choses qui nous touchent, nous, directement. Et donc, là, on vient l'idée de la lutte des exploités contre les exploiteurs. Les États et leur police ont tout intérêt à nous faire croire, via les idées comme le racisme et le nationalisme encore plus, nous faire croire que ces gens venus d'ailleurs sont pas comme nous. Et ne partagent pas les mêmes misères, les mêmes galères que nous, alors que nous, ce qu'on dit, c'est que c'est l'inverse, en fait. C'est qu'on est tous, les pauvres, exploités par le capitalisme, certains plus durement que d'autres, donc c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de papier, les femmes, et d'autres personnes. Mais, on a tout intérêt à faire des liens avec eux, à casser justement ces notions de racisme et de nationalisme pour voir qu'en fait, ils vivent les mêmes exploitations que nous et qu'on pourrait faire des liens avec ces gens-là pour lutter contre nos exploiteurs, donc ceux qui nous rendent vraiment une vie infernale, les patrons, les flics, les juges, tous ceux qui veulent nous mettre au travail d'une manière ou d'une autre. Et comment ils ont lutté ? Parce que ça, c'est assez intéressant, et je pense que c'est ça que l'État veut punir. En fait, ils ont décidé de lutter par eux-mêmes, donc de pas attendre un agenda, de pas rejoindre des associations, de pas rejoindre des institutions telles qu'elles sont, parce que c'est le meilleur moyen, en fait, que les luttes se fassent récupérer par l'État et donc se voient vider de leur contenu révolutionnaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué ? L'auto-organisation. L'auto-organisation, c'est quoi ? C'est on lance une idée, une analyse, on essaye de la diffuser autour de nous et on voit qui ça touche, qui a envie de participer, et on s'organise directement avec ces personnes-là. Ça peut être des groupes de 10, 20, 30, 100, 200, 300 personnes. Ce serait bien 300 personnes, mais c'est pas trop le cas. Bref, et donc via l'action directe. Donc c'est, on agit directement contre ce qui nous mutile et ce qui nous opprime. Donc évidemment, il y a plein de manières d'agir. Il y a tout ce qui est la propagande, les journaux, ça a été fait, la distribution de tracts, les collages d'affiches, des assemblées générales. Il y a aussi des sabotages. Il y a eu... Donc c'était beaucoup d'actions décentralisées qui étaient faites par plein de gens différents. La police a recensé 150 faits, donc on peut imaginer qu'il y en a eu plus. Et donc voilà, ça a été assez intense. Donc l'idée, c'est un peu de dire qu'il existe des responsables, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre exploitation, et qu'en fait, ces gens-là, ils ont des bureaux, des voitures, des maisons. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont trouvables et qu'il y a moyen d'aller leur mettre la pression directement, vu qu'en fait, c'est eux qui sont directement responsables. C'est le capitalisme, la machine à expulser, c'est une grosse machine qui a plein de visages et plein de bras différents, mais elle est quand même composée d'humains. C'est pas un truc abstrait, en fait. C'est des gens qui travaillent en son sein pour la faire fonctionner. Et ces gens-là, il s'agit de leur taper sur l'épaule ou leur taper dans la gueule pour leur dire ce que tu fais, c'est dégueulasse, tu tues des gens, en fait. Et bah, souvent, ils s'en foutent, mais voilà. Donc pour moi, en fait, c'est ça l'anarchie. C'est ça qui est vraiment intéressant dans l'anarchie, c'est la question des responsabilités. Nous, on nous déresponsabilise aussi vachement. On est dans un monde où pour tout et n'importe quoi, on doit faire appel à des entreprises, à des services, on doit payer. Et c'est un peu comme ça aussi dans la lutte, souvent, on a envie de s'en remettre à d'autres personnes. On a envie de... Or, on est responsable de nos vies. Et il n'y a personne qui les vit à notre place. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui agissent à notre place. Et la responsabilité des oppresseurs, c'est la même chose, en fait. Donc, voilà. Bah, l'État, du coup, il n'est pas content. Parce que c'est, bah, voilà, la critique anarchiste, c'est la critique du monde, de l'existant en général. Et donc, qui est garant de l'existant, c'est l'État. L'État, il sert en fait à faire des lois, à gérer des prisons, à gérer la police, à gérer des frontières, pour que le capitalisme puisse continuer à perdurer et que donc l'exploitation de l'homme sur l'homme puisse continuer à s'exercer sans heurts et que tout le monde reste à sa place. Donc évidemment, les anarchistes, ils veulent lutter contre l'État aussi. Et bah, l'État, il ne peut pas accepter en son sein des gens qui luttent contre lui. C'est normal, enfin, je veux dire, il veut continuer à exister. Et en plus, ce genre de lutte qui pratique l'action directe de l'auto-organisation, c'est très difficile pour lui de le réencadrer et de le dévier vers des voies réformistes, donc des voies qui permettraient d'apporter des petits changements sans changer le fond du système tel qu'il est. Du coup, il y a eu une enquête, une grosse enquête, il y a que de 2008 à 2014, donc pendant 6 ans, avec les moyens de l'antiterror, donc c'est-à-dire qu'avec le terrorisme et les états d'urgence et tout ça, les États européens, ils ont pu se doter de beaucoup, beaucoup plus de facilités en termes d'investigation, qu'ils ne sont pas privés d'utiliser pour les anarchistes aussi. Bon, ils le font aussi pour l'extrême droite et pour les fanatiques religieux. Mais voilà. Donc, terrorisme et donc gros moyens. Donc, filiature sur plusieurs jours, des appartements mis sur écoute, placer des vidéos, surveillance dans les appartements, à l'entrée des appartements, faire des infiltrations, donc venir à des rassemblements, à des discussions. Il y a, je crois que les cartons de l'enquête, c'est énorme, ça remplit une pièce. Mais en fait, ils ont enquêté beaucoup avec des gros moyens pour pas trouver grand-chose. C'est assez effarant, en fait, le peu. Ils ont 150 faits, mais qui peuvent pas amputer directement 12 personnes qui essayent de condamner, en fait. Ce qu'ils reprochent à ces 12 personnes, c'est d'avoir pu créer un climat favorable à ce genre d'actes. Donc, ils ont qu'une preuve directe que ces gens-là ont commis ces actes, mais le fait qu'ils les encouragent d'une manière ou d'une autre, via des publications ou via Akrata, qui ne s'en cachent pas, mais ça suffit en fait pour être condamné pour terrorisme. Bon, alors l'accusation de terrorisme, elle est tombée devant le juge préliminaire, parce que même pour la juge Panou, ça ne tenait pas la route. Mais le procès, lui, il continue. Alors qu'il a pu être tenu grâce aux moyens de l'antiterror. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas le procès de 12 personnes. C'est un signal fort que l'État, il envoie pour, en fait, empêcher toute révolte, pour montrer à toute personne qui aura envie de se révolter que, bah non, ça se fait pas comme ça et qu'il a qu'à aller voter ou signer des pétitions parce que sinon, il y a un procès pour terrorisme qui va peut-être lui tomber sur la gueule. Et oui, il y a de quoi faire flipper quand même. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt à se sentir concerné si par un moment ou un autre, on se révolte ou on décide de pas agir selon les règles, parce que c'est un signal qui nous est envoyé à nous. Donc, le procès, il va débuter le 29 avril, je l'ai dit, il va durer 3 jours au moins. Il y a une semaine de solidarité qui a été organisée. Qui a déjà commencé d'ailleurs. Qui a déjà commencé, qui est vachement bien entamé. Vous êtes en retard. Je peux dire les dates qui restent. pom pom pom. Ben, en fait, il y a une discussion ce soir. En même temps, c'était une discussion à l'AJT qui s'appelait Retour sur la lutte contre la construction d'un centre fermé à Steenhuizen. Le 31 du 3, toujours à l'AJT, qui est. J'oublie toujours l'adresse. Plage Cocheret. Cocheret, ouais, c'est ça. 144 ? Mais le numéro, je sais pas, Mac Blas Cocheret. Mais il y a certainement dans l'agenda. Hein. Ouais. Tu peux chercher tantôt. Et c'est à côté de la gare du Nord, et c'est rue Cocheret. Et c'est du coup discussion lutte et enfant. D'accord, le 31 ? Ouais, le 31 du 3 à 14h. Le 1er avril, il y a la LIM à Akrata. Je vais expliquer ce que c'est la LIM juste après. Et l'intitulé, c'est les mesures particulières de recherche de l'État belge. Donc ça va être un peu du sérieux, mais on va savoir grâce à ça comment ils peuvent nous cuisiner. C'est à 19h. Mmh. Oui, 114. Rue Gaucheret. Rue Gaucheret. Le 4 avril, il y a la soirée au Nova. C'est projection et souper en soutien à la LIM. Ça commence à 18h. Le 8 du 4, à l'Anarchive, 131 Avenue Beul, à 19h, il y a une projection du film Point de Fissure, film qui a été tourné pendant le début de la construction des travaux à Steenhuizen. Mm-hmm. J'ai bien retenu. Et donc la LIM, c'est quoi ? La LIM, c'est un espace et une caisse de solidarité, mais c'est d'abord un espace, un lieu de rencontre, qui est tous les premiers lundis de chaque mois à Akrata, qui en fait permet aux gens qui ont des petits soucis avec la justice, des gens qui sont en lutte, ou pas forcément, mais en tout cas, c'est pas adressé aux gros patrons qui pratiquent l'évasion fiscale, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir discuter de la répression, de savoir comment on y fait face, comment on parle à la police, ou plutôt comment on parle pas à la police, ou ce genre de choses. Et c'est aussi une caisse de soutien. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont en tôle et qui ont lutté de manière... nous, on se propose, la LIM se propose de leur payer des mandats et donc de les soutenir pendant qu'ils sont en prison, parce qu'en fait, être en prison, ça coûte de l'argent aux détenus. Et même l'enfermement n'est pas gratuit, c'est ouf, hein, mais bon, bref. Tu peux travailler en prison. Tu peux travailler en prison, ouais, mais c'est eux qui se font de l'argent sur ton travail. Ouais, 30 centimes l'heure, quoi, mais... Donc, voilà. Moi, je crois que j'ai plus ou moins fait. Et le procès tour. Même, qu'est-ce qu'ils entendent le jour même ? Est-ce qu'il y a un appel pour aller à l'audience ? Assister ? Non. En fait, c'est 12 personnes qui. Qui vont pas y aller. Non, je pense qu'ils ont des avis différents sur la manière dont ils veulent réagir à ce procès. Ouais. Et donc, du coup, certains. Je sais pas. En vrai, c'est assez compliqué. Et je pense qu'en tant qu'ami de certaines personnes. Moi, je me sens d'y aller, mm-hmm. mais... Il n'y a pas un... Non. Par contre, l'appel, c'est de... Ouais, ça, c'est quand même le gros truc que j'ai oublié. C'est en fait... Là, ce qu'on vient parler au micro, c'est pour expliquer ce qui se passe, parce qu'évidemment, ce n'est pas beaucoup diffusé. Mais aussi parler de la solidarité, parler de la solidarité en acte, parce que là, par exemple, j'ai parlé d'une caisse de soutien. C'est bien de donner de l'argent... Mais je pense que la plus jolie manière de montrer sa solidarité, c'est de continuer la lutte contre l'existant, d'une manière ou d'une autre, de là où on se trouve. Et voilà, pour que ces luttes-là, elles ne meurent pas, et puis pour que la répression, elle ne gagne pas, en fait, sur nos esprits, et sur nos luttes. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes ? Ben, on ne sait pas. Franchement, c'est impossible à savoir, parce que les chefs d'inculpation, ils sont vraiment très, très variés, quoi. Il y a appartenance à un groupe... je sais plus... Mm-hmm. J'ai pas pris le papier, ça fait chier. Appartenance à un groupe de gros de malfaiteurs, quoi. Et chef. Et ça, c'est un peu... Ça peut faire un peu mal. Mais après, il y a des trucs, franchement, entrave méchante à la circulation. Enfin, parce que t'as 10 personnes qui font une manif. C'est ça aussi, hein. C'est qu'il faut vraiment voir comment l'État, il a réussi à prendre des trucs et à en faire des... En faire des actes de malade, genre tirer un feu d'artifice à l'entrée d'une tôle, ça devient tentative d'incendie sur la prison, vol de fromage, ça devient financement de la lutte. non, mais c'est des trucs de fou. Hein, c'est, Vol de fromage ? Ouais, oui, ça c'est tombé quand même. Il y a des trucs qui, au début, ils avaient vraiment beaucoup. Toute une liste. Hein, ouais. Ouais, et maintenant, il n'y a plus que 10. Et les 12 personnes ne sont pas inculpées pour les 10 chefs. Donc, c'est-à-dire pour un chef, pour en avoir 3, et puis pour... Donc du coup, savoir ce qu'ils risquent, c'est franchement c'est impossible à dire. Ou en tout cas, il n'y a personne dans les accusés qui a envie de se prononcer là-dessus maintenant, quoi. Mais je sais aussi parce que même la loi de terroriste s'est quand même changée, donc ça a été beaucoup plus endurci avec les dernières années, donc ils peuvent même pas non plus pour tout ce qui était même dans des années, on parlait de quelles années, de 2000, je sais pas quoi, jusqu'à maintenant, utiliser les mêmes lois, allez, ou les mêmes causes. Allez. Parce que le truc de faire incitation à cause que tu mettes un texte, un appel... incitation, avant, c'était pas condamnable, quoi, tu vois. C'est ça, c'est tombé, par exemple. C'est plus, oui. Ils sont plus dans les 10 chefs. Ouais. Mais il y a quand même, avoir favorisé A ou ce genre de choses-là. Donc, de nouveau, les chefs d'inculpation, c'est rarement des choses qu'on leur empire directement, mais c'est avoir permis A. C'est assez... Mais donc, oui, apparemment, ça reste condamnable de dire « Moi, je vais brûler les prisons, attaquer la supérette du coin et tuer un flic. » Même si tu le fais pas, tu le dis, tu peux risquer... Attaquez-moi. Moi, je suis pas expert juridique, mais j'ai l'impression effectivement qu'au fur, et à mesure des années, l'État se donne de plus en plus de moyens, comme on peut le voir là, tout un arsenal d'enquêtes qui vise certaines personnes. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir exactement avec ça. Je sais pas, je débrouille toi. Non, mais c'est vrai qu'avant, on disait même, ils vont quand même pas mettre des micros, ça coûte tellement d'argent, ils vont... Tu vois, il y avait plein de trucs comme... L'argent, on sait où il va, quoi. Il va à la répression, la plupart. Vous savez qu'une boule, donc les caméras publiques qu'il y a dans la rue, combien ça coûte? Une. C'est plus de 30 000 euros, juste la boule, quoi. Une. Et je sais plus combien de milliers ils en ont installé là à Bruxelles. Donc, enfin, je pense qu'en termes de moyens... Pour la surveillance et la répression, ils n'hésitent pas trop. Oui, parce que maintenant, il y a aussi de plus en plus des caméras partout qui n'étaient pas avant. Allez, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont changé avec le temps. Ouais. Ouais. Puis ça leur permet d'économiser sur les flics. Enfin, ça fait une espèce de surveillance aussi. La technologie, c'est une espèce de surveillance froide, non humaine, qui est en fait du coup beaucoup plus difficile à attaquer, à soudoyer. C'est quelque chose de presque neutre. Que tu peux plus critiquer d'une manière... Ça fait la musique, c'est ça? Oui, je sais. mais bon, elle était tellement bien lancée. Vas-y. Ah. Ouais. Non, mais tu demandes. Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tarif par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière, les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Chose qu'hier. Des drones, des gravières, des têtes en surenchère. Contre la guerre à ciel ouvert. Nadi, Bassam, Fadi, Sami, Amtar, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, RGB. DJ Metal Skills. Oh bon. Voilà, donc on est toujours sur Tranche d'Anna, la mission anarchiste de Radio Erly. Nous continuons. Je crois que tu as quelque chose à dire. Ouais, en fait, j'ai juste oublié de lire un mini texte encore, mais c'est vraiment super court parce que je trouve qu'il est bien parce qu'il explicite clairement les perspectives des gens qui ont lutté. Donc, je trouve que c'est assez, même si ça a été expliqué plus tôt, mais c'est court, c'est joli. Et c'est toujours dans Éclat de liberté, le livre que Chine, il a présenté juste avant. Alors, c'est drôle, c'est plus stressant de lire que de parler. Bon. Notre lutte contre les camps de déportation est une lutte révolutionnaire. Une lutte qui ne vise pas seulement la destruction de ces camps, mais le bouleversement de la société dans son ensemble. C'est une lutte qui ne demandera jamais quoi que ce soit aux politiciens ou à d'autres représentants du pouvoir, simplement parce qu'ils sont les responsables de nos soucis quotidiens et de nos problèmes. C'est une lutte contre ces puissants et leurs structures. Contre toutes les prisons, contre la terreur de l'esclavage salarial, contre les propriétaires, les huissiers, les juges et les flics. C'est une lutte contre une société qui est fondée sur la hiérarchie et le pouvoir. C'est aussi une lutte pour quelque chose d'autre, une lutte pour un bouleversement social total, pour la révolution sociale, pour l'épanouissement vigoureux et passionné de chacun. Une lutte pour la solidarité, pour la joie de la vie, pour la liberté. C'est une lutte que tout le monde peut engager, qui commence quand quelqu'un décide que ça suffit et qu'il va dépasser ses propres limites pour rendre possible ce qui semblait impossible. C'est une lutte qui rêve d'un monde libéré des positions et des rôles et qui réalise déjà ce rêve au sein de la lutte. Une lutte où nous pouvons nous redécouvrir avec le cœur brûlant et l'amour des compagnons. Une lutte pour l'anarchie. Et tout ce que nous portons au fond de notre cœur ne peut croître que par la lutte, pour ne jamais dépérir. Voilà. C'est vrai. C'est un beau texte, oui, dans le résumé. Oui. Et ça parle aussi d'autres luttes, comme on vient de dire, on parlait un peu de centre fermé, mais c'est vrai qu'on parle aussi de plein d'autres luttes possibles. Donc est-ce que là, il y a aussi eu des autres axes d'action vers d'autres... Bah, pour être honnête, moi, je n'étais pas là à cette époque-là. Ah non, non, donc, c'est bien. Mais... Donc du coup, moi, je sais que, par exemple, il y a eu une lutte un peu... Bah, il y a eu un camp No Border, en fait, qui a vachement dynamisé la lutte contre les frontières et les centres fermés à cette époque-là, et qui a fait en fait que pas mal de gens se sont investis là-dedans d'une manière ou d'une autre. Et donc je sais qu'en fait, je sais concrètement, moi, apparemment la police pas, mais qu'il y a eu vraiment différents individus et plein de gens qui ont fait des choses différentes à ces époques-là. Et oui, par exemple, il y a eu une lutte contre les eurocrates. Je sais pas si les gens se souviennent, il y avait un sticker qui s'appelait « Eurocrate, serre-toi de ta cravate », avec un eurocrate pendu par la cravate. C'est aussi à l'époque où Bruxelles devenait Bruxelles, enfin l'Europe, tout ça, enfin c'est un peu... Et voilà. Donc, et la prison alors. Une lutte contre la prison aussi. Et une lutte contre les prisons, ouais. Ben, après, il y a eu Aaron aussi, juste après, qui s'est un peu enchaîné. Et qui est toujours en cours, il y a toujours une lutte à Aaron. D'ailleurs, si des gens ont envie d'aller, je leur conseille de passer à Aaron. Il y a des individus sympas. Il y en a d'autres un peu plus bizarres, mais il faudra faire leur tri là-dedans. Ok, ben voilà, je pense que c'est bien passé. Donc pour les gens qui veulent aller continuer la lutte et aller voir les discussions et tout ça, donc c'est pour l'instant, donc il y a cette semaine-ci qui est là, mais de là, ils vont trouver d'autres. D'autres idées, ouais. Et puis, moi, je conseille aussi aux gens de venir voir, en fait, ces lieux ou venir discuter avec les gens, que ce soit la JT, 114 Gaucheret, après Scarbeck, que ce soit à Crata, donc 32 rue de la Grande-Île, dans le centre, ou l'Anarchive, 131 avenue Boyle, parce que c'est des lieux, déjà, qui sont sympas, avec des gens sympas, qui ont des choses à dire sur les luttes, sur l'anarchie, sur le monde, sur plein de choses, qui sont chaudes de discuter. Et puis, il y a plein de bouquins. que vous pouvez emprunter gratuitement. Il y a des livres que vous pouvez acheter. Il y a des discussions qui sont organisées régulièrement. Il y a des projections qui sont organisées régulièrement. Bref, l'occasion de rencontrer du monde et de discuter de choses intéressantes. Voilà. Et donc, Cine, je ne sais pas si toi, tu veux encore dire un truc sur l'archive ou... Anarchive. C'est anarchive. Ok, bon, on n'arrive pas à ça, tous les mots. C'est un jeu de mots pourri, c'est pas grave. C'est ça. Non, il n'y a pas des heures d'ouverture spécifiques ou autres ou, bah, du coup, il y a des permanences tous les lundis à 17h. Je sais pas, ça change souvent. En tout cas, il y a souvent des gens qui sont là les lundis à 17h, ça d'office. Les deuxièmes lundis du mois, il y a une discussion autour de l'anarchie. Donc ça se veut un espace assez ouvert où n'importe qui peut se ramener, même s'il n'a jamais entendu parler de ça et qu'il se pose juste la question, c'est quoi ce bordel? C'est pas juste des vieux tags sur les murs, c'est peut-être aussi des gens qui pensent ça sérieusement, qui ont des choses à dire et à partager sur le sujet, et que si ça intéresse des personnes, elles sont grave les bienvenues, c'est un espace qui est là pour ça. Mais aussi, si tu es un vieil ou une vieille anar retranché dans ton canapé, qui ne sait plus qu'à faire le deuxième lundi du mois, tu peux toujours venir... Ou qui font la radio. Ou qui font la radio, tu peux toujours venir à l'anarchive, on t'accueillera les bras grands ouverts. On fait aussi des... Il y en a des plus vieux que moi. On fait aussi un genre de club de lecture où du coup, ça c'est moins régulier. C'est un peu... Ouais, on essaie une fois par mois. Oui, on essaie une fois par mois. Toujours les lundis. Souvent le troisième ou le quatrième, mais ça change. Et du coup là, c'est des textes qu'on choisit ensemble. Tiens, il y a quelqu'un qui a lu ça, il a envie de proposer pour pouvoir en discuter. Il y en a eu sur plein de choses différentes. Dernièrement, c'est sur le travail. Le prochain, c'est sur les gilets jaunes. Un texte qui s'appelle Retour sur le mouvement des gilets jaunes dans la brume, quelque chose comme ça. Il est trouvable sur Indymedia. Puis nous, il est trouvable sur le. On a un site, il paraît. Oui, on a un site internet. L'anarchive. Après, Akrata, vous pouvez trouver aussi. Il y a un WordPress. Vous tapez Akrata WordPress ou Akrata Bibliothèque Anarchiste et vous trouvez directement dans Google. Mais c'est vrai que toutes les activités de l'anarchive, on les poste sur Indymedia aussi. Mm-hmm. Et si vous venez, on pourra vous mettre dans notre mailing list, chérie, où vous pourrez recevoir toutes les informations. On envoie des super mails avec des jeux de mots tout le temps. Oui. Ouais. Anarchive en même temps, c'était d'office qu'on avait donné du jeu de mots. Voilà. Ok, super, bien. Ben, merci. Ouais. Rien. Merci. Et puis, merci à vous. Oui, on merci va pour bien suivre ça de près. Cool, cool. Bah oui, il faut. Bah ouais. Et peut-être, je m'invite déjà, mais peut-être qu'on pourra venir reparler de ça après le procès ou enfin ah voilà, oui, venir donner de des nouvelles quoi. Quand vous voulez. Ouais. De toute façon, vous êtes les bienvenus. Super, trop bien. Ok. Faut pas nous dire trop ça hein, parce qu'en plus il y a les pizzas donc ouais. On va être souvent là. Hein. Les pizzas sont pas nous là. C'est un squatteur, moi une gratteuse. Enfin, je veux dire, c'est. On fait la belle paire. Les pizzas sont pas tout le temps là. Ok. Ok, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et on passe une petite applause. Et on passe encore une petite musique et on peut partir à la deuxième. Allez, on va commencer la deuxième partie. Dans mon assiette, y a un poisson. Il est beau, il est grand, il est beau, il est fort. Y a un poisson dans mon assiette. Y a un poisson dans mon assiette. Dans mon assiette, y a un poisson. Le serveur est content de voir qu'il y a autant de gros poissons près de Marseille. Cette année-là est délicieuse, on a des pêches miraculeuses. Les poissons sont très gros, les poissons sont très grands. Que mangent les poissons de Marseille? J'ouvre le poisson dans mon assiette, je coupe la tête et la queue. Au milieu, une oreille, une bague, une montre, le citron à couleur de sang. Serveur, je demande poliment, les poissons saignent-ils souvent? il ne sait que répondre, je lui montre l'oreille, il va vomir dans les toilettes. Près de Marseille, un bateau qui a coulé au fond des eaux. On recherche les corps, on recherche les morts, moi j'en ai un dans mon assiette. Y'a un écran dans mon assiette, cette année-là est nauséeuse. Je m'enfuis du resto, la folie, le malaise, folie du monde, folie obscène. Y'a un migrant dans mon assiette, y'a un migrant dans mon assiette, y'a un migrant. Boum. Ça y est, on est là. C'est la Lapinothèque sur les ondes de Radio Air Libre 87.7 FM. Et donc, on va s'écouter pour petite introduction un morceau qu'on a enregistré en sauvage avec quelques lapins et quelques musicos de Hémoglobine, un groupe uruguayen avec qui on avait fait une compile Les Lapins Électriques. Compile-Tierra Liberta, et donc là on a fait un morceau contre une entreprise, une usine de papier qui veut s'installer en Uruguay et détruire plein de villages, détruire plein de gens, des forêts, faire passer des trains par-ci par-là, et voilà, on s'est fait un petit morceau, on s'est fait plaisir, c'est enregistré à la sauvage, donc ça commence direct, et c'est parti. Voilà, c'était les lapins, enfin une partie des Lapins Électriques et Hémoglobine pour une future compilation complètement dingue. Et donc, je rappelle la Lapinothèque, c'est une espèce de distro mobile, table de presse, on peut trouver de la propagande en tout genre, des livres, des brochures, des lance-pierres, des lance-flammes, des badges et plein d'autres choses. Et donc, on est un peu dans plein d'endroits différents. On fera l'agenda en fin d'émission, de où on se trouve, comment ça se passe. Et là, on va présenter une série de brochures bouquins. Que vous pourrez trouver aux différents endroits de la Lapinothèque. Exact. Donc on fera le résumé à la fin de nos chroniques, l'agenda. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et donc, c'est Lisa qui commence avec une brochure et un livre. Alors, je vais vous parler d'un texte qui s'intitule « Sorcières, sages-femmes et infirmières ». Et puis, je m'applique à faire un exercice peut-être un peu bancal, mais il s'agit de vous lire d'emblée un extrait. Ça se trouve à la page 49. Donc, les sorcières guérisseuses étaient souvent les seuls médecins généralistes d'une population qui n'avait ni docteur, ni hôpitaux, et qui souffrait amèrement de la pauvreté et de la maladie. Un lien particulièrement fort était établi entre la sorcière et la sage-femme. Personne ne nuit davantage à l'Église catholique que les sages-femmes, écrivaient les chasseurs de sorcières Cramer et Sprenger. L'Église elle-même avait peu à offrir à la paysannerie souffrante. Donc ça, c'est extrait de Jules Michelet, La sorcière. Et ça raconte que le dimanche, après l'office, il y avait force malade. Ils demandaient des secours et on leur donnait des mots. « Vous avez péché et Dieu vous inflige. Remerciez. C'est autant de moins sur les peines de l'autre vie. Résignez-vous, souffrez, mourrez. L'Église a ses prières des morts. » Confrontée à la misère des pauvres, l'Église se retournait vers le dogme selon lequel ce qu'on éprouve dans ce monde est passager et sans importance. Mais il y avait deux poids, deux mesures, car l'Église n'était pas contre les soins médicaux apportés à la classe dominante. Les rois et les nobles avaient leurs médecins de cour, qui étaient des hommes, parfois même des prêtres. La vraie question était celle du contrôle. Une médecine masculine pour la classe dominante sous les auspices de l'Église était acceptable. Une médecine féminine intégrée à une sous-culture paysanne ne l'était pas. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment, parce que peut-être je dirai plus plus tard. Ce livre, alors, il a été écrit en 1973 par deux Américaines, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, et résulte d'une série de conférences qu'elles ont données en 1972 en Pennsylvanie au sujet de la santé des femmes. C'est un essai qui est paru sous la forme d'une brochure pour répondre à leur volonté de, je cite, « publier nos découvertes sous une forme qui serait bon marché, facile d'accès et engageante précisément pour le genre de femmes qui avaient été nos étudiantes ». Alors, en 2010, il y a une nouvelle édition qui sort, cette fois-ci sous forme de livre broché, et sa traduction française de 2014 paraît aux éditions Cambourakis. Elle est enrichie d'une postface. D'une curatrice spécialiste de la figure de la sorcière et qui s'appelle Anna Collin, et d'une introduction supplémentaire à celle de la version initiale, qui est écrite par les auteurs aussi et qui apporte quelques éclairages et corrections. Quant au texte en lui-même, la version récente adoucit un peu la forme mais présente le même contenu. Il faut dire que le texte initial est écrit à chaud, sous l'impulsion de la révolte inspirée par les injustices que met en lumière cette histoire, et que la parité au sein du domaine médical dans les années 70 est heureusement différente d'aujourd'hui, encore bien faible, disons, par rapport à aujourd'hui. Et comme pointé dans la nouvelle introduction, je cite, « Si certaines des sources de notre colère semblent désormais désuètes, c'est uniquement grâce à des travaux comme sorcières, sages-femmes et infirmières et au mouvement dont il est issu. » Alors, une histoire des femmes soignantes, le sous-titre de ce pamphlet, relate l'installation du monopole de l'exercice de la médecine par la classe dominante, sous-entendu, l'homme qui est autorisé, qui est reconnu par l'Église et qui appartient à la classe dominante, la classe supérieure. La première partie de l'ouvrage explique comment, pendant 4 siècles, les guérisseuses, soignantes et autres sages-femmes ont été désignées par l'Église comme sorcières et persécutées par milliers, en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre. L'extrait que j'ai lu au début de ma présentation fait partie de cette analyse. Et je vais le reprendre et en lire encore un petit passage. On pensait que les charmes magiques étaient au moins aussi efficaces que la prière pour guérir les malades. Mais la prière était approuvée et contrôlée par l'Église, alors que les incantations et les charmes ne l'étaient pas. Ainsi, les remèdes magiques, même efficaces, constituaient-ils une interférence maudite avec la volonté de Dieu. Obtenue avec l'aide du diable, la guérison elle-même était diabolique. Il n'y avait aucune difficulté à distinguer les remèdes divins de ceux du diable, puisqu'à l'évidence, c'est à travers les prêtres et les docteurs que le Seigneur se manifestait, et non à travers des femmes paysannes. La bonne femme ou sorcière possédait quantité de remèdes éprouvés au fil des années d'utilisation. Un grand nombre de remèdes à base de plantes développés par les sorcières ont toujours leur place dans la pharmacologie moderne. Elles disposaient d'antalgiques, de remèdes pour faciliter la digestion et d'agents anti-inflammatoires. Elles utilisaient l'ergot de seigle pour soulager les douleurs de l'accouchement à une époque où l'Église soutenait que ces douleurs étaient le juste châtiment du Seigneur pour le péché originel d'Ève. Les principaux médicaments utilisés aujourd'hui pour hâter le travail de l'accouchement et faciliter les suites des couches sont des dérivés de l'ergot. Bon. Alors, parallèlement, donc moi je reviens à une espèce de résumé de ce qui est traversé dans ce livre. À cette chasse aux sorcières illuminée, hein, il procédait beaucoup par le feu. L'association Église-État met en place une politique limitante d'accès à la profession médicale, la rendant strictement réservée aux hommes instruits. Et il y a des pratiques excessivement douteuses, ça en devient comique, mais je vous laisse la surprise dans le texte. Dans une seconde grande partie et importante partie, les auteurs nous exposent l'histoire de l'avènement de la profession médicale aux États-Unis. Et c'est une histoire exemplaire de par son apparition récente, son évolution rapide et son institutionnalisation conduite par un élitisme et un sexisme affiché et catégorique. Alors, moi, j'ai refermé ce livre en ayant la sensation que j'avais complété un puzzle avec des pièces qui m'avaient été fournies dans leur entièreté et que j'ai eu la possibilité de reconstituer un tableau dont je soupçonnais l'existence mais que je parvenais pas à visualiser pour de bon. Et il y a des raisons à cela, c'est que l'histoire avec un grand H ne mentionne que rarement l'histoire avec un grand E. Et là, il y a une parenthèse pour indiquer que le terme « histoire avec un grand E », c'est une pâle traduction de la formule américaine « her story », qui est l'équivalent féminin ou féministe, mais en tout cas astucieux, de « his story ». Voilà, et ça c'est un néologisme inventé par Robin Morgan dans son anthologie féministe Sisterhood is Powerful en 1970 et qui fait l'objet d'une note de bas de page dans la postface du livre dont je vous parle. Et je vais citer un dernier court extrait de la première partie qui résume bien le vide ressenti et en partie comblé grâce à ce précieux bouquin. Alors, malheureusement, la sorcière elle-même, pauvre et illettrée, ne nous a pas livré son histoire. Comme pour toute histoire, celle des sorcières fut rapportée par l'élite instruite, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne les connaissons qu'à travers les yeux de leurs persécuteurs. Voilà. Donc, toute la deuxième partie construit un peu plus le statut de la femme au cœur du domaine médical, comment il est passé de sage-femme à infirmière. Bon, on reste dans les années 70, parce qu'il y a seulement la nouvelle introduction qui donne vraiment une modernité au livre, mais comment la femme n'a pas accès au rôle du médecin alors qu'elle en est l'origine. Voilà, pour terminer, je vais vous faire écouter une musique que... Alors, j'ai essayé de mettre en lien avec les sorcières. Et ce que j'ai trouvé plus ou moins par hasard, c'est grâce à une émission de France Musique qui nous a parlé des Sutartines. Et c'est en Lituanie. C'est des chants polyphoniques qui ont survécu à la persécution des sorcières parce que leur retard par rapport au dogme du christianisme et du catholicisme à sauvegarder certains rituels, en l'occurrence ces chants, et que toute la mythologie de la Lituanie est basée sur un système matriarcal. Donc il y avait beaucoup de rituels faits par des femmes. Suite à Lisa qui a fait une certaine contestation vis-à-vis de l'Église catholique, moi je vais faire une contestation face à une autre Église qui est celle du Parti communiste en vous présentant un petit livre qui s'appelle « Vivre vite de l'autre côté du mur », punk et anarchiste en ex-Allemagne de l'Est, qui est un recueil de différents témoignages des années 70 et 80 de personnes qui se sont confrontées à l'État en Allemagne de l'Est, plus précisément dans la ville de Leipzig. C'est un petit livre qui est paru, donc qui sont des traductions de textes de témoignages, comme j'ai déjà dit, pardon, qui est paru en 2012 chez Mutins Éditions. Je vais vous lire un petit extrait pour présenter un peu l'idée des auteurs par rapport à ça. Les textes sont tous traduits d'un recueil allemand ayant pour cadre la ville de Leipzig. Ces récits se déroulent avant la chute du mur de Berlin en 1989. Dans un pays où la seule opposition aurait été composée d'intellectuels, artistes ou assurés par l'Église protestante. Cette version de l'histoire voudrait nous faire croire qu'il n'y avait pas de continuité entre l'Est et l'Ouest, notamment les deux Allemagnes, mais opposition entre démocratie et dictature. Or, la différence n'est pas plus grande entre capitalisme de marché et capitalisme d'État qu'entre les révoltés des deux blocs et l'État qui les écrasait. Ensuite, il est toujours intéressant pour les dominants de présenter une opposition officielle afin de constituer les cadres du futur et d'asseoir la légitimité du nouveau régime. La plupart des récits de... ça c'est le titre en allemand, je vous le passerai. Nous montrent au contraire que les dissidentes ne se battaient pas toutes pour les libertés formelles ou le paradis de la consommation de l'Ouest, mais bien pour une liberté qu'aucun État ne saurait satisfaire et des désirs qu'aucune économie ne viendra combler. Enfin, même dans un cadre qui pouvait sembler absolu, il nous montre que l'oppression tient bien moins sur la force militaire que sur la soumission de tous et toutes. Ces jeunes qui squattaient, volaient, vivaient en petite communauté punk, se battaient avec les flics lors des fêtes, affichaient des messages subversifs dans les rues et n'étaient finalement asociaux que parce que le reste n'était que trop social, en phase avec une société de contrôle et de délation. Donc bien sûr, c'est un contexte que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça remonte encore un peu assez loin, mais... quoi. Non, il y a Titi qui a pouffé. C'est Aznavour, quoi. C'est un contexte qui montre aussi... c'est un moment historique pour il n'y a pas si longtemps, il y avait une opposition entre l'Est et l'Ouest. Ça configurait un peu tous les systèmes de pensée et conditionnait un peu toutes les allégeances, etc. C'est aussi un recueil qui montre qu'il y a des gens qui ont toujours réussi à s'abstraire de ce genre de dichotomie, un peu l'axe du bien, l'axe du mal, la dictature, la démocratie, et qui ont continué même à partir de rien, parce que on parle pas de grands groupes politisés ou quoi, c'est des individus qui à un moment se mettent en relation avec le monde dans lequel ils vivent, essayent d'interagir avec celui-ci et suivent un peu leurs impulsions. Et là-dessus, je vais vous lire un petit extrait. Donc c'est toujours des témoignages à la première personne, c'est très but de décoffrage, il y en a 5 qui sont repris dans le bouquin. Là, je vais vous lire un extrait du texte qui s'appelle « Le meneur ». Au début, nous n'étions qu'un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Nous nous retrouvions une fois par semaine pour réfléchir à ce que nous pourrions faire. La plupart du temps, nous organisions des actions fun, juste pour faire chier les mecs de la Stasi. Personne d'entre nous n'avait déposé de demande de sortie du pays, ce qui signifiait une surveillance de la Stasi et un moyen de chantage. Une fois, nous avons acheté de la craie, puis nous l'avons distribué sur la Schassenplatz. Les passants pouvaient écrire ou dessiner ce qu'ils voulaient. C'était vers 1980. On n'aurait jamais imaginé que cela prenne de telles proportions et que la place serait immédiatement remplie. Pourtant, c'est ce qui s'est finalement passé. Tous ont vu qu'on commence à écrire sur cette place centrale, ceux du Moderna aussi, et tout le monde s'y est mis. Il n'y avait aucun flic présent, parce qu'ils ont été complètement surpris. Jusqu'au soir, il ne s'est rien passé, puis il y a eu une centaine d'arrestations. La Stasi a tout photographié, arrêté tous ceux dont elle avait les noms. Ils sont allés les chercher chez eux, et même en discothèque. On a tous atterri dans l'immeuble de la Stasi et de la police criminelle, où tout un étage était réservé à ce genre de choses. Tout le milieu était là-bas, dans les cellules, en attendant les couloirs, et tous ont eu de ce fait encore plus de liens ensemble. Chacun a été condamné à quelque chose, une amende de 100 marks ou autre. J'ai dû en raquer 160, parce que c'est moi qui avais acheté la craie. Normalement, on aurait dû finir en tôle pour une histoire pareille, parce que sur la place en question, il y avait des écrits très durs contre le régime. Personnellement, je pense que j'ai bénéficié d'une sorte de protection parce que ma mère travaillait comme secrétaire au parti. Elle connaissait donc tous les bons du ministère de l'Intérieur, grâce à leur réunion. C'est ce qui m'a toujours donné une liberté plus relative et la possibilité de faire plein de trucs. Cela n'a duré que le temps où ma mère était au parti. Lorsqu'elle l'a quitté, j'ai aussi fini en tôle. Dans cette affaire, on s'en est simplement sorti avec des amendes et des avertissements. Par la suite, nous avons toujours fait très attention à ce que personne ne tombe par imprudence au cours de telles actions. De plus en plus de monde se voyait régulièrement. Il s'agissait d'un cercle d'une centaine de personnes. Nous nous retrouvions un jour fixe par semaine dans un coin du parc Clara Zetkin. Ces rencontres n'étaient possibles qu'à l'air libre, car personne ne connaissait l'endroit où aller. On ne pouvait pas le faire dans les clubs, sorte de maison de la jeunesse, car il fallait s'inscrire et nous ne voulions rien annoncer. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons plus tard cherché un squat. Lors de ces rencontres, nous avions toujours un thème précis. Parfois c'était la lecture d'un livre, une autre fois un jeu tout simple. Chaque fois une activité différente, et ça a duré vraiment longtemps comme cela. Tout le monde pouvait passer, et c'est ainsi que toujours plus de personnes nous ont rejoints. À partir de ce cercle, nous avons ensuite organisé des manifestations sauvages, comme par exemple contre l'installation des missiles nucléaires. À notre avis, si l'Ouest devait renoncer, comme le demandait le régime, l'Est devait en faire de même. Nous luttions non seulement contre ces missiles, mais aussi contre l'ensemble de la militarisation de l'Est. Donc voilà. Je voudrais encore juste rajouter, au-delà de ces témoignages qui sont très bruts des expériences personnelles, il y a encore à la fin du livre un petit texte qui raconte l'émeute de 1953 à Berlin, une émeute ouvrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai mal préparé mon sujet et que je ne serais pas capable de le faire. Mais c'est un témoignage qui est assez direct, qui a été écrit par des anarchistes qui ont participé à ces événements en 1953 donc, et qui a été traduit en France par André Prudhomme. Là-dessus, je vous passerai un petit groupe de musique Camera Silence, Est-Ouest. Bon, alors moi, je vais continuer dans la même lignée, hein, avec les oppressions d'une autre église encore. Alors, nous allons parler du livre « Les pédagogies critiques ». On pourrait considérer éventuellement que les pédagogies sont aussi une forme d'église. Hein. Le livre « Les pédagogies critiques » sont parus cette année aux éditions Agone, dans la collection « Contre-feu ». Et il a été écrit par deux autrices. La première, c'est Irène Pereira. Elle est philosophe, sociologue et enseignante. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle « Paolo Frère, pédagogie des opprimés » chez Libertalia en 2017. Et elle anime un réseau francophone de pédagogie radicale. Donc c'est super intéressant. Et c'est dans la continuité de l'œuvre de Paolo Frère. Bon, je vais pas vraiment développer, mais en gros... je ne vais pas développer du tout, parce que vous n'avez qu'à vous renseigner, on n'a pas le temps, mais c'est des pédagogies critiques qui sont en gros des pédagogies féministes, antiracistes, décoloniales, queer. On peut dire aussi que c'est des éco-pédagogies ou pédagogies anti-oppression, anti-discrimination, égalitaire, etc. Donc ça, c'est un petit peu le thème de travail d'Irène Pereira. Et la deuxième autrice, c'est Laurence Decoq, qui est, elle est historienne et enseignante. Et elle a notamment écrit « Dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial en France dans les années des années 80 à nos jours », chez Pull en 2018. Alors en gros, par pédagogie critique ou radicale, les autrices prennent comme exemple illustratif la pédagogie anti-oppressive. Alors ça, je vais vous lire un petit extrait qui va un petit peu développer cette idée à la fin de ma petite présentation. Mais en gros, elle part de la conception de la société qui considère qu'il existe plusieurs systèmes d'oppression croisés, dont le sexisme, le racisme, le classisme, et vous aurez donc... sans doute compris qu'il s'agit de l'intersectionnalité. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elles insistent sur le fait qu'une personne peut être opprimée dans un système spécifique et bénéficier des systèmes de privilèges sur un autre plan, en fait. Hein. Et qu'un privilège n'est pas spécialement volontaire. Alors, cette pédagogie anti-oppressive vise donc à faire prendre conscience à chacun et à chacune de sa place dans les différents systèmes de privilèges et d'oppression, afin à nouveau de prendre conscience des privilèges et des oppressions dont il bénéficie, et des oppressions mises en œuvre souvent inconsciemment. Donc c'est une pédagogie qui est hyper critique de la norme. C'est pas du tout la même chose que les pédagogies de la tolérance qui renforcent, elles, les stigmatisations. C'est aussi une pédagogie queer, c'est aussi une pédagogie critique de la race, en poussant en fait à construire ses propres narrations et son histoire dans un but d'empowerment et de visibilisation des opprimés. Donc c'est une pédagogie aussi décoloniale qui appelle à une décolonisation radicale du monde. Et en fait, elle pousse à la construction d'un modèle dans les pays du Sud par les intellectuels issus de ces pays et qui réhabilite tous les savoirs construits par ces civilisations et qui sont évincés par la violence coloniale depuis 500 ans. Alors maintenant, je vais vous lire le petit extrait qui explique un petit peu plus ce qu'elles entendent par l'approche anti-oppressive. Alors, l'objectif de l'approche anti-oppressive vise à constituer des espaces inclusifs, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les personnes issues de groupes socialement minorés ne se sentent pas méprisées, agressées, discriminées ou encore invisibilisées. Alors que la catégorisation et la stigmatisation peuvent conduire à enfermer une personne dans une identité, qui plus est négative, à laquelle elle ne souhaite pas nécessairement être identifiée, à l'inverse, l'invisibilisation consiste à ne pas reconnaître une caractéristique d'autrui et les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur son existence. Donc les espaces inclusifs peuvent être des lieux dédiés à l'apprentissage, des espaces de travail ou encore des lieux militants. Nombre d'études sociologiques ont en effet souligné la forte homogénéité sociale des collectifs militants. Beaucoup de ces espaces sont peu inclusifs pour les femmes ou les personnes racisées, c'est-à-dire victimes de racisme, ou minorités sexuelles ou de genre. L'approche anti-oppressive suscite et valorise un regard permettant d'évaluer concrètement ce caractère plus ou moins inclusif à travers les affichages sur le mur, les activités proposées, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, etc. Alors derrière le thème inclusif, qui n'est pas encore rentré dans le langage courant, il est question de situations de bien-être ou de souffrance qui concernent le quotidien d'individus bien réels et dont la mesure et la prise de conscience est la première étape vers une amélioration possible. Alors le second intérêt de l'approche anti-oppressive sur le plan militant consiste à essayer de développer des politiques d'alliance et de coalition. Donc loin de vouloir isoler chacune des situations d'oppression dans la situation singulière qu'elles peuvent avoir par ailleurs, cet ouvrage espère au contraire contribuer à les rapprocher. Or, comment s'allier avec d'autres groupes opprimés si on n'a pas d'abord compris les oppressions dont ils sont l'objet et si on les reproduit dans ses pratiques militantes? Donc on l'a compris, le principal objectif de ce petit livre est de contribuer à remettre la question de la transformation et de la justice sociale au cœur de la réflexion sur l'école. Mettre l'accent sur les pédagogies critiques, montrer ce qui les relie entre elles et qui les distingue des autres approches pédagogiques, c'est donc lutter contre le silence qui a peu à peu recouvert les enjeux d'égalité et d'émancipation dans le domaine scolaire. Voilà pour le petit extrait. Et pour terminer sur une note un peu rigolote, je vous propose d'écouter les Trotskynautiques. Et donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Air Libre 87.7 FM, Tranche d'Anard, et on est toujours avec la Lapinothèque. Et donc moi je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Vogliamo Tutto, qui a été écrit en 71 et traduit et édité en 73 en français aux éditions Seuil et réédité chez les éditions Entremonde qu'on a à la Lapinothèque. Donc voilà. Vogliamo tutto, nous voulons tout. C'est quoi ? Ben, c'est l'histoire romancée par Nanni Balestrini de Alfonso Natel, qui est un ouvrier du sud de l'Italie. Alors pour faire rapide, en gros, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et donc c'est l'explosion de la consommation de masse et donc notamment de l'automobile. Et donc l'Italie construit à fond des automobiles, mais aussi plein d'autres bordels, genre des frigos, de l'électroménager, partout, partout. Et donc les travailleurs du sud de l'Italie qui normalement sont saisonniers et travaillent dans les champs, ben, émigrent en masse vers le nord de l'Italie dans les usines. Et ben, c'est un peu le gros bordel quand ils arrivent dans le nord au niveau logement, tout ça, tout ça. Et donc ils racontent un peu ça dans le bouquin. Et là, je vais vous lire un petit extrait. Donc c'est un peu son deuxième boulot dans une usine. Il a commencé à Lidl Standard et là, c'est dans une usine de pâtes. De cuisine, quoi, pour faire des pâtes. Et voilà, donc je vous prenais le truc en cours. Et donc, un jour, il lisait le magazine Diabolique à la pension. Et voilà, il raconte son histoire. J'ai oublié d'aller au boulot. J'y ai pensé au dernier moment. Je suis descendu 4 à 4, j'ai pris le métro, je suis arrivé en retard. Quand on arrive en retard, on a le droit à une demi-amende. Mais pour deux minutes, on te fait sauter une demi-heure de paye. Alors j'ai décidé d'entrer effectivement avec une demi-heure de retard. Je suis allé siffler une goutte. Je me suis déshabillé tranquillement en calculant pour pointer juste une minute avant la fin de la demi-heure. De toute façon, deux minutes ou une demi-heure, c'était pareil au même. Où on pointe, il y a une espèce de cage de verre avec des lampes, les témoins de four de tous les secteurs. Il y avait là deux ou trois dirigeants et le directeur de l'Allemagne, celui de mon secteur justement. Quand je suis passé devant lui, il m'a fait signe. « Pardon, vous désirez ?» Je lui fais et lui, il me dit « Arrangez votre bonnet. Ce bonnet est trop haut. » Je l'avais écrasé et je le portais comme le béret sarde. Comme les Sartes portent leur béret. Je l'avais devant les yeux, j'avais les mains dans les poches et une demi-heure de retard. Alors il s'est foutu en rogne et il m'a dit « Arrangez votre bonnet. » « Non, pour moi il va bien comme ça. Pourquoi je devrais l'arranger ? Arrangez-le vous-même. » J'ai continué mon chemin et il est sorti de sa cage. Il m'a dit « Pourquoi êtes-vous en retard ?»« Bof, je m'en rappelle pas. Pourquoi je suis en retard ?» Je sais pas, je suis en retard comme ça. On peut être en retard pour un tas de raisons, je m'en rappelle pas. Mais comment, vous êtes en retard et vous savez pas pourquoi ? Ce que j'ai oublié, c'est que j'ai oublié qu'il fallait que je vienne au boulot. Ah, vous avez oublié que vous deviez venir travailler, c'est ça. C'est grave. Mais vous savez que moi, je vais vous donner une journée de mise à pied. Et donc, bon, comme je ne lis pas super bien, alors je vais m'arrêter là. Mais c'est juste que ça s'enflamme. Et bon, je ne vous raconte pas tout. Mais en gros, il se bagarre, il met la tension, il met la pression à fond la caisse. Et puis, il y a tous les chefs qui essayent de le sanctionner. Et en fait, au final, Il les bousille tellement leur cerveau qu'il lui donne un mois de paye, mais sans qu'il le preste, et c'était un peu son objectif. Et du coup, bah, il raconte un peu tout ça, et c'est complètement jouissif parce que le gars, bah, il n'en a rien à foutre du travail. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être payé, mais enfin, il fait en sorte de se faire foutre dehors et tout ça, donc c'est pas mal du tout. Et tout ça, ça l'amène à travailler dans les alentours de un peu avant mai 73 à l'usine Fiat. Alors Fiat à Turin, c'est la plus grande usine automobile d'Europe. Il y a 90 000 ouvriers, donc ça fait un petit paquet sur trois sites, dont le site Mirafiori où il y a 50 000 ouvriers concentrés. Et donc lui débarque là-dedans. En fait, il y avait déjà un conflit depuis un petit moment là-bas. Il y avait déjà des groupes d'étudiants et d'ouvriers qui essaient de faire des grèves. Et là, quand il arrive là-bas, donc je ne vous raconte pas tout, mais parce qu'il le raconte dans le bouquin. Puis il y a d'autres bouquins qu'on a à la Pinothèque qui racontent cette grève qui a duré 9 mois dans la plus grande industrie automobile. Et où c'est le gros bordel parce que, bon, lui, il parle de son expérience individuelle, mais après, ça devient une expérience collective où il y a des assemblées, il participe à des assemblées. Au départ, il est plutôt assez individualiste et pas du tout pour les assemblées, les groupes et tout ça. Mais au fur et à mesure, il participe quand même à ce qui se passe de manière plus collective. Et donc, il raconte comment ça s'organise le bordel à l'usine. Il explique aussi, ça c'est assez particulier à ce bouquin, qui est la fin du bouquin, qui est le chapitre d'insurrection, où il parle de suite à une manif hyper chaude, où ça se transforme en émeute, en émeute urbaine, qui se passe dans tout Turin, à la base, qui part de Mirafiori, mais qui se développe partout, et qui dure un peu plus de 12 heures. Et donc ça s'est raconté dans son bouquin, puisque lui, il y était. Et donc c'est super jouissif. Que raconter de plus là-dessus? Ben, c'est un peu la base de ce qu'on a appelé l'automne chaud, toute l'autonomie ouvrière italienne organisée ou désorganisée, à travers notamment l'Ota Continua, qui était l'assemblée ouvrière étudiante à Fiat, mais après qui va se développer dans plein d'autres usines. Puis ça va être aussi le point de départ de Pouvoir Ouvrier, qui est un groupe qui sera plutôt actif aussi à la Fiat, mais aussi à Porto Marghera en Vénétie, donc juste en face de Venise, qui sera le plus grand pôle pétrochimique d'Europe, et où là il va y avoir une assemblée autonome des ouvriers, des chômeurs et des étudiants du coin qui vont aussi faire des grandes luttes dans les années 68-69 et jusque dans les années 70 par là-bas, 70 et quelques. Et voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper fort, c'est très sauvage comme écriture. En fait, Nanni Balestrini a recueilli le témoignage de Alfonso Natella, qui était cet ouvrier du Sud, et puis qui a participé à l'assemblée de la Fiat, et puis au groupe Podere Operaio, dont Nanni Balestrini va aussi faire partie. Et voilà, donc ça c'est un petit bouquin que je vous conseille, qu'on a déjà vendu pas mal à la Labinothèque, aux éditions Entre Mondes. Et alors j'en profite pour parler d'autres bouquins qu'on a aussi sur le même sujet. Donc il y a la Fiat aux mains des ouvriers, l'automne chaud de 69 à Turin en nuit rouge, qui là, c'est deux historiens qui racontent, mais vraiment précisément, toute la grève de la Fiat, d'où ça vient, comment ça s'organisait dans les différents ateliers, comment l'intervention des étudiants extérieurs se mélange avec les ouvriers et crée cette assemblée ouvrière étudiante, l'Ota Continua. Et donc voilà, c'est assez pas mal. Un autre bouquin aussi au nuit rouge, qui s'appelle « Pouvoir ouvrier à Porto Marghera », ça c'est sur l'expérience de l'Assemblée ouvrière autonome de ce grand centre pétrochimique où il y avait plein d'usines Monte Edison, mais encore plein d'autres, où ça a été aussi assez radical. Et alors on a « Ouvrier et capital » de Mario Tronti, qui est un des opéraïstes. Et donc voilà, ça c'est aussi un autre bouquin qui est un des fondamentaux de cette période-là. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Moi, c'est le bouquin que j'ai lu le plus vite dans ma vie. En général, je suis assez lent. Et là, je l'ai commencé, je l'ai fini le jour même parce que c'était trop passionnant. C'était introuvable à l'époque. Je l'ai trouvé à 1,85€ en occasion. Et puis, les éditions Entre Mondes l'ont réédité, donc c'est très chouette. Ils ont rajouté une chronologie à la fin qui n'est pas exhaustive et ça explique pas tout ce qui s'y est passé, mais voilà, ça donne quand même un peu des éléments sur cette radicalité. Alors bon, je peux faire un peu quand même le point critique. Oui, il y a quand même des trucs par rapport aux homosexuels qui sont assez pas très comment on va dire, on dit homophobe, on peut dire homophobe. Bah, le gars, il n'est pas ouvert à la question. En même temps, bon, il va dans des bars où il y a des homos, mais voilà, c'est pas très. Et puis aussi par rapport à la question de l'oppression des femmes, bah, c'est pas très présent dans le livre, donc c'est aussi une des critiques. Et puis aussi, ça a été utilisé par Tony Negri pour instrumentaliser ce qu'on a appelé le concept d'ouvrier masse. Donc il y a un des courants de l'opéraïsme. Et donc du coup, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, par-ci, par-là. Mais ça n'en reste pas moins un témoignage qui parle d'une époque vraiment chouette. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, et alors, ça n'a rien à voir avec ça, mais... J'ai reçu ça et... Voilà. C'est une petite musique qui n'a rien à voir avec ça, mais on va s'écouter un vrai truc, par contre, qui déménage et qui n'a rien à voir avec ça non plus. C'est de Berlin et c'est Atari Teenage Riot Revolution Action. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image. Donc, maintenant que vous rêvez de vous ruer sur les 4 ou 5 livres qui viennent d'être présentés, il va bien falloir nous trouver à Bruxelles et dans le temps. Je vais vous donner l'agenda des présences lapinothèques partout dans la ville. Ça commence le 4 avril, c'est un jeudi, ce sera au Cinéma Nova, le fameux Cinéma Nova situé rue d'Arenberg dans le centre de Bruxelles. Le numéro de la rue, vous le trouverez sur Internet. Et il s'agit d'un souper de soutien avec des projections et c'est un soutien à l'ALIM dont nos amis précédant la Lapinothèque ont expliqué le fonctionnement. C'est un lieu de rencontre et de soutien juridique principalement. Tu m'aides ou pas ? Quoi ? On l'alime ? L'alime. C'est un espace de discussion et de rencontre pour parler de la répression qu'on subit quand on se met en lutte contre le monde. Parfait, merci. Ça se passe au Cinéma Nova le 4 avril. Il y aura la Lapinothèque et ça commence à 18h. Ensuite, le 18 avril, on sera présent aussi avec notre table bien fournie du bistrot à l'occasion de la deuxième partie d'un cycle de conférences qui a lieu sur le syndicalisme révolutionnaire en Belgique. Là, donc, c'est la deuxième série et elle expose l'actualité de ce syndicalisme révolutionnaire, tandis que la première partie exposait l'histoire. Et ça se passe dans le local L'Aurore, aussi au centre de Bruxelles. Quelle date ? Le 18 avril. Puis, le 20 avril, toujours à L'Aurore, à l'occasion du petit salon du livre politique et social. La Lapinothèque tiendra son stand. Enfin, le 1er mai, ça, c'est des infos à venir en temps voulu sur le blog des Lapins Électriques. Tout sera bien précisé. Pour le moment, ça reste à définir le 1er mai, mais c'est sûr qu'on célébrera cette date. Voilà, avec notre présence quelque part. À vous de nous trouver. C'est tout. Merci. Merci à toi. Voilà, nous allons passer à notre agenda à nous, parce qu'il faut quand même le faire. Donc, notre agenda à nous, ça commence sur le site d'Idi Media, le vendredi 29 mars, avec, si ça peut venir... Ça va arriver, voilà. À la Déquincaillerie, 70B, rue du Danemark, 1060 Bruxelles, il y aura 25 ans insurrection zapatiste, une conférence sur l'insurrection zapatiste, avec un historien qui s'appelle Jérôme Bachet, qui enseigne depuis plus de 20 ans à l'Université autonome du Chiapas au Mexique, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur l'expérience zapatiste et le dépassement du capitalisme. Où en est le mouvement zapatiste après 25 ans d'insurrection ? Pourquoi cette insurrection indienne est-elle considérée par beaucoup comme l'an 1 du mouvement intermondialiste ? Face à la tyrannie du présent, comment ce mouvement rebelle regarde-t-il l'avenir sans renier son passé ? Plus que jamais, ce qui se passe dans les montagnes du Mexique fait écho aux luttes près de chez nous. L'expérience zapatiste présente de fortes affinités avec celle des rebelles du Rojava, mais aussi avec celle des zadistes de Notre-Dame-des-Landes et plus récemment encore avec les Gilets jaunes. Voilà, donc ça se passe, je vous dis, à la Déquincaillerie à partir de 7h du matin. Je ne sais pas si c'est 7h du matin ou 19h, mais en fait c'est 7h, c'est marqué. Ça me paraît un peu tôt pour la conférence. Enfin bon, vous irez voir peut-être sur le site de la Déquincaillerie, c'est un événement Facebook, alors vous irez voir. C'est 70B rue du Danemark à 1060 Bruxelles. Ensuite, à 19h30 le même jour, vous avez une rencontre avec la docteure Asiya Naranjo, à la galerie d'Esprit, rue du Moulin, 718 à Hatte, à partir de 19h30. Viva Salut et cubanismo.be vous invite à une rencontre donc avec Aïssa Naranjo, docteur cubaine, qui est une médecin. Cette femme est une médecin cubaine et experte du système de santé cubain. Ce qu'elle raconte à propos de Cuba illustre parfaitement le caractère indispensable du système de santé public qui ne vise à faire du profit, qui ne vise qu'à faire du profit. Le système de santé cubain est intéressant en raison de son approche holistique. L'accent est plutôt mis sur la prévention que sur l'aspect curatif. Cuba célèbre cette année le 60e anniversaire de la Révolution cubaine. Les soins de santé en sont l'un des piliers. Comment Cuba peut-elle organiser tout cela si bien sans avoir beaucoup de moyens financiers? Les soins de santé sont gratuits pour les citoyens, accessibles à travers tout le pays. Et Cuba consacre 11% de son PIB aux soins de santé, possède les meilleurs indicateurs de santé parmi les pays disposant d'un revenu par habitant similaire au sien. Voilà, donc ça se passe à Hatte, à la galerie Despret, S-D-E-S-P-R-E-T-Z, rue du Moulin numéro 18, à partir de 19h30. Alors, le samedi 30 mars, vous avez à la Tentation... une autodéfense féministe, boxe non mixte. Le projet est de proposer des séances de boxe en non mixité tous les samedis jusqu'à fin avril, qui véhiculent des valeurs féministes et antifascistes de complicité, d'autogestion, de respect mutuel et de partage des connaissances. Nous voulons créer un environnement qui ne cherche pas à reproduire la performance et la compétitivité traditionnellement associées au sport considéré comme masculin. Alors, les cours de boxe ont pour objectif de renforcer notre autonomie, notre autodétermination et notre cohésion à travers le sport face aux différentes formes de violences faites aux femmes, sexuelles, domestiques, psychologiques, économiques, physiques, morales, etc., qui entravent nos libertés. Nous voulons nous renforcer émotionnellement et physiquement. La boxe est un moyen de prendre conscience des possibilités physiques de son propre corps, de questionner notre rapport à la violence, privilège masculin dans nos sociétés et de nous la réapproprier. Donc il s'agit d'une démarche politique et divertissante qui vise à démanteler des stéréotypes sexistes, à prendre confiance en soi et en notre capacité d'action. La pratique de la boxe en non-mixité est une initiative qui permet d'allier plaisir d'apprendre et pratique des sports de combat dans un espace bienveillant, d'écoute et de sororité. Ainsi, au-delà de la technique, il s'agit de se passer du temps, de discuter, de se rencontrer entre femmes et féministes. Donc ça a lieu le samedi entre 13 et 15 heures à la Tentation, rue de la Cône numéro 28. Les prix est libre, prix indicatif de 2,50 € la séance ou de 10 € par mois. Voilà, donc ça se passe donc tous les samedis jusqu'à la fin avril. Ensuite, vous avez à 15h, vous avez au Barlock un riot in Bruxelles. Je ne sais pas comment ça se prononce. Riot in Bruxelles, un festival de sorcellerie féministe qui va vagabonde en cuiristan. C'est un moment de joie pour partager des pratiques, des savoirs, des moments, des spectacles, des performances, pour s'écouter les unes les autres, pour prendre soin de nous, pour faire vivre nos magies, pour faire brûler nos envies, déchaîner nos passions, jeter des sorts au coup du sort, et réveiller Bruxelles pour le printemps. Voilà. Bruxelles. En pratique, c'est donc un festival multiforme qui réunira des ateliers, des spectacles, des concerts, des performances, sera constitué de l'énergie de toutes et de tous les participants et les participantes, plutôt toutes les participantes, et dépendra ainsi de ce que chacun y amènera, ou chacune y amènera. Donc c'est un espace safe et en non-mixité. Voilà, alors, donc ça se passe au Barlock. Donc c'est du 30 mars au 4 avril. Mixité choisie, meuf, trans, PD, Gwyn, BIE. C'est quoi, BIE? BI, je pense. BI. Non. BIE, voilà. Entrée à prix libre. BIE, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc ça c'est pour le Barlock. Ensuite, il y a le 31 mars à partir de 13h, Vous avez à la gare centrale le collectif 8 mars qui fait toute une réflexion sur l'avortement. Mon corps, mon choix, ma liberté, nos vies, nos corps et nos désirs. Parce que le 31 mars, il y a une marche contre le droit à l'avortement, March for Life, qui s'organise chaque année à Bruxelles et ailleurs dans le monde et prévoit de fêter ses 10 ans avec une manifestation. Alors, il y a eu, avec des revendications sexistes, homophobes et liberticides qui caractérisent ce mouvement. Que ce soit, donc, il y a plein de mouvements féministes actuellement, même dans les pays les plus en retard par rapport à l'avortement, comme la Pologne, l'Italie ou l'Argentine, où il y a des mouvements féministes qui multiplient des grèves et des actions pour obtenir le droit effectif et inconditionnel à un avortement légal, sûr et gratuit. Donc il y a pas mal de revendications, il y a eu quelques avancées en Belgique, mais c'est un peu limité. Il y a eu un changement de la loi n'est plus régie par le code pénal, mais par le code civil. Donc il y a eu, en septembre 2018, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui avaient marché dans les rues de Bruxelles pour réclamer une véritable décriminalisation de l'avortement. Cependant, ceci n'a rien changé aux conditions d'accès à l'IVG et à sa potentielle criminalisation. Le texte n'a été que très peu modifié, à part la suppression de l'état de détresse. Ni les sections pénales de prison n'ont été amendées, ni le délai dit de réflexion de 6 jours, ni le nombre de semaines de grossesse maximum, ni l'obligation de parler des alternatives à l'avortement n'ont été modifiées. En échange de cette avancée, entre guillemets, ce même gouvernement a voté une loi chère au mouvement anti-choix permettant la reconnaissance du fœtus et de l'enfance en vie à partir de 20 semaines. Cette loi n'est autre que l'une des nouvelles stratégies d'attaque aux droits des femmes à décider sur leur corps, courant le risque que ce délai de reconnaissance de 20 semaines ne soit diminué à 18 ou 16, etc. Le fœtus devenant une personne civile, une fausse couche devenant une naissance d'un enfant mort-né, et au final, la protection de la vie dès la conception. Donc, dans les revendications globales, le collectif 8 mars dit « Nous refusons toute forme de contrôle du corps des femmes. Nous exigeons que toutes les femmes, quel que soit leur statut, aient un accès gratuit à l'avortement. Nous exigeons que l'avortement ne comprenne aucune sanction pénale et se réalise sans aucune condition ni restriction. Délai de réflexion, nombre de semaines, objection de conscience. Nous voulons un accès gratuit à la contraception, au remboursement des traitements des médicaments prescrits. » Pour que l'avortement soit une réalité pour toutes, nous avons besoin des revenus qui garantissent notre autonomie, des services médicaux et de planning qui assurent des soins gratuits, de qualité et de proximité indépendamment de la situation économique, de la légalité du statut de résidence dans le pays, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. C'est pourquoi le collectif appelle à un rassemblement ce dimanche 31 mars à partir de 13h au Carrefour de l'Europe. Assez qu'on nous impose comme vivre notre sexualité, notre rapport à la maternité, à la contraception et à l'avortement. Mon corps m'appartient, n'appartient ni à Dieu, ni à l'État, ni au capital, ni au patriarcat. Toute personne s'identifiant et ou étant identifiée comme femme. Voilà. Donc ça, c'est dimanche matin, dimanche à partir de 13h. Ensuite, vous avez à l'AJT une discussion rue Gaucheret, donc 114, 1030, à partir de 14h, une discussion lutte et enfants. Nous sommes quelques mamans à vous inviter à discuter et réfléchir ensemble. Nous retournerons dans le passé pour explorer des initiatives tentées et nous explorerons avec vous d'autres questions. Comment refuser, par exemple, la norme sociétale de la crèche et à l'école ? Comment sont répartis les soins dans le ou l'ex-couple et les luttes doivent-elles prendre fin une fois qu'on a des enfants ? Alors, les enfants sont bienvenus, il y aura un espace ludique et sécurisé qui leur sera consacré. Donc, c'est à partir de 14h à l'espace rue Gaucheret, à l'AJT, au numéro 114, à 1030 Scarbeck. Alors, lundi 1er avril, vous avez un atelier, toujours au Barloc, un atelier d'examen autogynécologique. Alors, né des dynamiques self-help, Au sein de mouvements féministes des années 70, la pratique de l'auto-examen du dit gynécologique est un formidable outil de prise de conscience, d'exploration de son corps et de réappropriation de sa santé. Au cours de cet atelier collectif, nous prendrons d'abord le temps d'échanger par la parole et l'image autour des thèmes qui nous concernent, au choix, anatomie, physiologie, gynécologie, cycle, santé, genre, sexualité, plaisir, normes, violences patriarcales et médicales. Ensuite, nous passerons ensemble à la pratique en observant à l'extérieur notre vulve et à l'intérieur notre vagin et éventuellement le col de l'utérus à l'aide d'un miroir et d'un spéculum en plastique. Le tout se fera dans une ambiance bienveillante, sans obligation aucune et en prêtant attention aux besoins de chaque personne présente. L'atelier commence à 15h et dure 3h. Merci d'arriver à l'heure. Le nombre de places étant limité, il faut vous inscrire en écrivant à atelier tiré en dessous fw@riseup.net. Cet atelier est ouvert à toute personne anatomiquement concernée, c'est-à-dire ayant une vulve et un entre parenthèses néo-vagin. Et il n'est donc pas essentiel d'avoir un utérus pour participer. Il est proposé par une femme, cis, ayant une pratique de groupe self-help, féministe non mixte. Si vous avez des besoins particuliers ou des questions, que ce soit par rapport à la mixité choisie de cet atelier ou toute autre chose, n'hésitez pas à envoyer un mail. Donc il y a une participation aux frais qui est libre, plus 2,50€ pour un spéculum. Voilà, mais il faut apporter un essuie, une lampe de poche et un petit miroir. Voilà, vous savez tout sur cet atelier examen auto-gynécologique. Alors, ensuite, ça c'est le lundi, donc à partir de 15h. Alors, vous avez également à 18h30, il y a beaucoup de trucs gynécologiques en ce moment, une discussion autour de la gynécologie naturopathique à partir de 18h30, c'est toujours au Barloc. Une discussion qui suit cet atelier auto-gynécologique et qui sera donnée, donc, voilà, c'est une discussion libre d'échange sur nos expériences en lien avec les plantes et l'auto-gynécologie. La discussion commencera à 18h30 et il y aura une auberge espagnole. Donc, le Barloc, ça se situe 53 bis Avenue du Port à Bruxelles. Et alors, voilà. Donc, ça, c'est pour le 1er avril. Ensuite, vous avez à 19h, à Akrata, rue de la Grande-Île numéro 32, les mesures particulières de recherche de l'État belge. Les flics et les divers services de renseignement disposent d'un arsenal d'outils impressionnant lorsqu'il s'agit de fouiner dans les affaires des gens, d'autant plus lorsque ceux-ci portent des idées et défendent des pratiques hostiles à l'État, au petit train-train quotidien du capitalisme pacifié et par extension aux prisons, aux centres fermés, à tout ce qui permet à ce monde d'exister et de se perpétrer. D'autant plus quand il les a nommés terroristes, l'idée pour cette édition spéciale de la LIM serait de se pencher sur ces méthodes en partant de l'exemple des méthodes utilisées lors de l'enquête qui débouchera sur un procès fin avril pour 12 anarchistes, afin d'affiner notre connaissance des armes de nos ennemis. Donc c'est en rapport au procès des anarchistes qui va avoir lieu fin avril. Donc il y a une discussion sur les mesures particulières de recherche de l'État belge. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est à partir de 19h à Akrata, 32 rue de la Grande-Île à Mille-Bruxelles. Et enfin, à partir de 19h également, vous avez à la VUB une table ronde sur les 60 ans de la Révolution cubaine. Donc voilà, avec, en collaboration avec Encuentro, il y aura donc cette fameuse femme médecin généraliste qui est médecin dans une polyclinique de la Havane. Qui parlera des soins de santé. Il y aura Marc Van Pitt, professeur, philosophe, auteur et analyste politique sur divers thèmes internationaux et co-auteur de plusieurs livres sur Cuba. Et Dirk Tillemann est un ancien journaliste de la VRT, professeur émérite voilà, Edir Tilleman et le professeur émérite Luc Batten ont écrit ensemble le livre Viva Cuba, 60 ans de révolution. Donc ce sera un débat en anglais et espagnol avec, avec traduction simultanée. Donc ça, c'est à partir de 19h à la VUB et c'est 9 boulevard de la Plaine, classroom D2. C'est classroom D209, 2 boulevard de la Plaine à Bruxelles. Et ensuite, donc, pour terminer, mardi 2 avril, vous avez Ripaille et Tenaille à la JT, toujours, 114 rue Gaucheret à Bruxelles, bouffe contre les frontières, vegan et après libre, tous les premiers mardis du mois à la JT, 114 rue Gaucheret, avec à 18h, point info, actualité collective et participative sur la répression des migrations et les luttes contre les frontières, 19h, on mange ensemble, on cause, on échange. Et les enfants sont bienvenus. Voilà. Mais je pense que vous avez un bon carnet pour remplir vos soirées et vos journées. On vous dit à la semaine prochaine. Oui. Ce qu'on va faire, je ne sais pas encore. Mais enfin, vous verrez bien. On vous l'annoncera. Merci. Bon, au revoir. Bonne soirée. C'est à l'écoute de Transjonal.